Exercice 3, page 159. A. Z. J'aide. B. Zèle. Gèle. C. Asie. Agis. D. Disons. Dijon. E. Case. Cage. F. Rase. Rage.